Le Forum allemand anti-impérialiste a publié une déclaration pour critiquer les États-Unis, la Corée du Sud et autres suivistes qui se conduisent comme des aliénés en refusant à tout prix la position de détenteur nucléaire de la Corée, qui est déjà devenue un fait établi, et condamné leur démarche visant à supprimer la Corée. Par ailleurs, le vice-président du Parti social libéral et président de l'Association d'amitié Égypte-Corée a soutenu dans le journal Al-Ahwal la politique de Sun-gun de la Corée et condamné les États-Unis.